FrenchPod.com. Le thème de votre examen, Monsieur Petitgrain, est l'Académie française. Mais comment en parler sans évoquer en premier lieu la raison de son existence, la langue française? Alors je vous demande, monsieur, quelle est l'origine de notre belle langue? Le français est une langue romane. Sa grammaire et la plus grande partie de son vocabulaire sont issues des formes orales et populaires du latin, telles que l'usage les a transformées depuis l'époque de la Gaule romaine. Très bien. À présent, j'aimerais que vous disiez un mot concernant la création de l'Académie française. Elle fut fondée en 1635 par le cardinal de Richelieu, sous le règne de Louis XIII. La mission qui fut assignée au lettré qu'il a composé à ses débuts était de donner des règles à la langue française, de la rendre pure et compréhensible par tous. Dans cet esprit, la première édition d'un dictionnaire fut publiée en 1694. Pas mal. Je vois que vous avez potassé. Vous faites mention du terme lettré ? Oui. L'Académie française se compose de 40 membres, 40 lettrés, élus par leur père. Je me permets de préciser que depuis sa fondation, elle a reçu en son sein plus de 700 membres. Elle rassemble des hommes de lettres, des hommes de science, des militaires, des hommes d'État ou encore des hommes d'Église, qui ont tous illustré particulièrement la langue française. Les académiciens portent le surnom d'immortels. Et quel est leur rôle de nos jours ? Il est double. Veiller sur la langue française et accomplir des actes de mécénat. Pour mener à bien la première mission, un dictionnaire continue d'être élaboré afin de fixer l'usage de la langue. La seconde mission, le mécénat, n'était pas prévue à l'origine. Elle a été rendue possible par les dons et legs qui ont été faits à l'Académie. Ainsi, elle décerne chaque année environ 60 prix littéraires et attribue des subventions à des sociétés littéraires ou savantes, à des œuvres de bienfaisance et aux personnes défavorisées ou qui se sont distinguées par l'accomplissement d'actes de dévouement. Excellent jeune homme. Continuez comme ça et vous y entrerez peut-être un jour.